PKGU, Radio Pokajou International, commence sa diffusion à partir de ce moment. Soyez les bienvenus. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino. Olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. Bonjour messieurs, dames, soyez les bienvenus. Vous entendez la radio Pokajou International. Je suis Mélissa Suarez El Real, je suis très contente de vous accueillir de nouveau. Cette semaine, à Pokajou comme ailleurs, il y a de nombreuses personnes chrétiennes qui célèbrent Noël. Papahou est la figure emblématique de ces fêtes et on peut voir des images de lui partout dans l'île. Même les non-chrétiennes ont adopté d'une ou d'une autre façon cette tradition parce qu'il est l'image de deux choses qui semblent aux enfants pokajoutiens très très attractives. D'un côté, il apporte des cadeaux, particulièrement des cadeaux qui ont un rapport avec la musique. Et de l'autre côté, il est l'image de la neige, la fraîcheur et la glace dans son pays qui, pendant le mois de décembre, traverse la canicule. C'est un petit bonhomme de glace colorée qui garde les fruits fraîches dans ses bras et qui apporte des cadeaux que sont enveloppés dans des grands glaçons. Décembre, en fait, c'est le mois le plus chaud à Pokajou. C'est pour ça qu'on a décidé de commencer avec Kalyem Riggins et Summer Madness ou Folie d'été. Une chanson inspirée par la semaine des Papahou, où tout le monde semble entièrement occupé par les préparations de la fête qu'on célèbre ce soir. C'est pour ça qu'on a choisi une playlist qui représente l'émotion de ces fêtes, spécialement pour les enfants. Yeah, ma. bazona nererana narishuti nziza narivimbishuti nyashuti narishuti nziza amberishuti nziza amberishuti nyashuti dore ndaje nyine kabe inshuti dore inshuti habe inshuti na inshuti Je suis Melissa Suarez del Real, on est de retour à la radio Pocahontas International. On vient d'écouter une chanson appelée Friend de John Wizard. C'est un groupe de l'Afrique du Sud qui a sorti le magnifique disque homonyme. John Wizard compte avec le génial chanteur Emmanuel Zaramba, réfugié originaire de Rwanda, et il s'agit d'une chanson dédiée à Papa Who, où l'on utilise les instruments que John Withers, le fondateur du groupe, a reçus de Papa Who avant de déménager à l'Afrique du Sud. Selon la tradition, Papa Who offre aux enfants des cadeaux musicaux, soit des instruments, des disques, des radios, des microphones, des partitions. Même parmi les familles les plus défavorisées, les enfants reçoivent des graines de trompera et de boîtes en carton pour faire des maracas. Les enfants doivent d'ailleurs partager leurs nouveaux jouets avec leurs sœurs, frères et collègues. Donc cette chanson qu'on vient d'écouter résume assez bien l'esprit de Papa Who. Mais bien sûr, Papa Who n'a pas toujours existé. Il est un personnage apparu suite à l'influence occidentale sur l'île, spécialement depuis 50 ans, quand la International Freezing Company, parmi d'autres nombreuses entreprises et colons, s'est installée à Pocahontas et a commencé à vendre les premiers glaçons. À la fois, ils ont commencé aussi à célébrer massivement Noël et d'autres fêtes chrétiennes. La surprise des natifs a été enregistrée dans les documentaires Un pouce cube, le seul enregistrement visuel de la réaction à la glace parmi des gens qui ne la connaissaient pas. Ce documentaire, qui parle aussi un peu de l'origine de Papa Who, est en fait abrité avec beaucoup de soin dans la médiathèque royale du Pocahontas, mais vous pouvez peut-être l'avoir aussi à votre consulat pocahontien le plus proche. Thank you. hasta el pueblo me compras un real de hielo, cuidado no se te derrita con el calor. Si vas al pueblo me compras un real de hielo, cuidado no se te derrita con el calor. Al pueblo me compras un real de hielo, cuidado no se te derrita con el calor. Si vas al pueblo me compras un real de hielo, cuidado no se te derrita con el calor. Vous entendez la radio Pocahontas internationale, je suis Melissa Suarez del Real. Les Cubains d'Orchestra Aragon qu'on vient d'écouter, les Cubains d'Orchestra Aragon qu'on vient d'écouter, très touchés après voir ce documentaire qui d'ailleurs parle dans les dernières minutes de Paparu, ont composé cette chanson appelée Un Real de Hielo ou Un Real de Glace, c'est-à-dire la quantité que l'on peut acheter avec une monnaie. Puisque le Pocahontas est un pays tropical, la glace et le froid garde une connotation exotique et même fantastique. On pense d'ailleurs que Paparu vient de l'Europe comme plusieurs des immigrants de Pocahontas et on est habitué à imaginer l'Europe avec un climat froid, spécialement en décembre. Bien sûr, l'image de fraîcheur et même de froid fait rêver aux Pocahontiens qui pendant le mois de décembre traversent le mois le plus chaud de l'année. Et peut-être aussi à cause de ça, pendant ces fêtes, on fabrique de la glace avec la forme de Paparu, avec des différents parfums et couleurs. Le plus célèbre est celui de baie de trompera avec la menthe fraîche. Traditionnellement, les enfants préparent la glace et la rangent dans le frigo pendant le soir du Paparu, avant qu'il arrive. Et selon la tradition, Paparu, à part de laisser les cadeaux pour toute la famille, fait un espèce de portrait de lui-même avec la glace préparée par les enfants de la famille bien sûr, comme s'il était son signature. À l'intérieur de la glace, les enfants doivent trouver une pépite de cacao et celui qui la trouve est l'enfant qui va choisir le parfum de la glace l'année suivante avant de l'arrivée de Paparu. On va vous laisser avec un peu de musique tropicale qui donne une idée du climat que même avec l'arrivée de Paparu, le Pocahontas a maintenant. Voici Un Rayo de Sol ou Un Rayon de Soleil du groupe belge, ah oui, bien sûr, ils sont des Belges, appelé Chacachas, un groupe des années 50, mais ce disque que vous allez entendre, Jungle Fever, a été enregistré en 1962. Ça s'appelle Un Rayo de Sol. Merci de nous avoir accompagnés et à la prochaine. We'll be right back.